Chapitre 38e, échec au Club 23. Naturellement, dès qu'il en fut informé, Dutilleul ne put qu'être satisfait. Comme à son habitude, Bellegarde avait fait du très bon boulot. Ainsi, son intuition, une fois de plus, ne l'avait pas trompé. Restait maintenant à Thérèse à désigner la future cible et à lui de se tenir prêt. Obtenir ensuite de perquisitionner les Tournelles ne devrait guère poser de difficultés. Il sentait qu'il avait le soutien de Viard, ce qui, tout bien considéré, était assez appréciable. Cette fois-ci, cela ne le dérangerait vraiment pas si celui-ci en recueillait tous les lauriers. Finalement, à l'usage, il se révélait moins pire que prévu, et surtout, pas faucheton comme Destré. Il pourrait toujours interroger ce Desserre qui semblait si prêt à l'aider, le moment venu. Il finirait bien par assembler les pièces du puzzle, un moment ou un autre. Il n'avait pas élaboré de théorie. Il préférait laisser toutes les issues ouvertes le plus longtemps possible. Les choses finissaient par s'ordonner d'elles-mêmes. Surtout que maintenant, il était sûr d'être sur la bonne piste. Il suffisait de se montrer patient. S'il avait bien saisi la psychologie de Thérèse, elle ne tarderait pas à vouloir à nouveau passer à l'action. Comme l'avait noté Bellegarde dans son rapport, elle était du genre déterminée. Elle ne pouvait donc plus résister longtemps. La cible choisie fut révélée une semaine plus tard, ce qui tombait plutôt bien, car Bellegarde commençait un peu à se lasser. En fait, elle n'était pas très loin de la boulangerie. Dès qu'il la vit pénétrer sur le chantier, Bellegarde sut, sans le moindre doute, qu'il l'avait trouvée. Cependant, pour plus de sécurité, il préféra demeurer à l'extérieur. Il aurait bien le temps, un peu plus tard, de visiter à son tour. Toutefois, il ne put s'empêcher de se faire la réflexion que cette maison était diablement bien située. Le terrain, lui seul, avait dû coûter un beau paquet à son propriétaire, et il ne serait peut-être pas superflu de se renseigner sur celui-ci. Sentant cette fois-ci qu'il tenait quelque chose de sérieux, Bellegarde n'hésita pas à informer Dutilleul sur le champ. Mieux valait ne pas perdre de temps, et les deux hommes convinrent de se retrouver sur les lieux en fin d'après-midi, ou en tout cas après 18 heures. Entre-temps, Dutilleul demanda que l'on rassemble le plus d'éléments possible sur cette nouvelle cible. Quand il arriva sur zone, Dutilleul lui aussi ne put s'empêcher de sourire tant les lieux lui parurent le comble, il fallait le faire, du mauvais goût et du prétentieux. Pour un peu, il aurait presque pu légitimer la rage destructrice de Thérèse Turandot. Le point d'orgue fut certainement la visite du spa. À la vue des diablotins dorés et fessus, Bellegarde ne put s'empêcher d'exploser de rire. Bien vite, cependant, les deux hommes retrouvèrent toute leur composition. Même un tel désastre ne pouvait être gratuitement détruit. Après tout, chacun ses goûts. Une surveillance nocturne des lieux fut immédiatement mise en place. Le chantier étant pratiquement achevé, l'attaque n'allait plus tarder. Dutilleul évalua l'attente à une semaine au plus. Comme il s'y attendait, Viard, convaincu à son tour, donna immédiatement son accord. Une dizaine d'hommes prirent donc position. Quant au propriétaire, rien de particulier à signaler à son sujet, si ce n'est qu'il avait fait fortune en revendant au bon moment la start-up qu'il avait créée. Il n'avait peut-être pas très bon goût, mais il était indéniable qu'il avait la bosse des affaires, car ce n'était pas la première fois qu'il faisait ainsi la culbute. Il passait pour assez honnête dans son métier et avait bonne réputation. Dutilleul se dit alors qu'il n'était peut-être pas nécessaire de fouiller plus avant. Journal, extrait numéro 9. Cher grand-père, le Club 23 va frapper à nouveau. La maison que j'ai repérée est maintenant pratiquement achevée. Il ne manque plus que le gros nœud pour l'inauguration. Comme je te l'ai déjà dit, c'est une telle offense au bon goût que la détruire relève d'une action de salut public. Des anges dorés du plus parfait kitsch ont été ajoutés la semaine dernière. Je ne te raconte pas le massacre, c'est à vomir. Quant à la mosaïque, elle est terminée. Les corps représentés seraient plutôt pas mal, mais les visages, eux, sont franchement ratés. Du coup, ça ne ressemble à rien. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de chouette. En plus, c'est super bien situé, dans une jolie petite impasse. Tu ne risques pas d'être emmerdé par les voisins. Je ne sais pas comment le futur occupant des lieux a trouvé le terrain, mais il a vraiment de la chance, sans doute un héritage. Je suis surprise que la mairie n'ait pas exercé son droit de préemption, à moins que, bien sûr, il n'ait des connexions bien placées. En tout cas, il peut tirer un trait sur la réalisation présente. Mercredi soir, si tout va bien, il pourra tout refaire. Sans doute s'adressera-t-il au même architecte. Celui-là, je le ferai bien brûler en place publique, même s'il ne manquerait certainement pas de me rétorquer qu'il ne réalise que ce que ses clients lui demandent. Mouais, excuse oiseuse à mon avis. Quand c'est moche, il faut avoir le courage de le dire et ne pas se contenter du chèque final. Je demanderai au garçon de se montrer particulièrement destructeur. Berthelot devrait pouvoir s'en donner à cœur joie. Au fait, Desserre est rentré dans le rang. Il a arrêté de boire et s'est remis au sport. Je crois qu'il a craqué sur Tiphaine. En tout cas, on les voit beaucoup ensemble, ce qui me va très bien. Tiphaine est inoffensive et il me sera bien utile mercredi, au moins pour porter le matériel. Heureusement, ce n'est pas très loin. Les garçons devraient s'en tirer sans trop d'efforts. J'ai hâte ensuite d'aller voir le résultat. J'espère que leur ardeur sera à la hauteur de ce que j'attends. Ensuite, naturellement, il faudra me remettre en quête d'une autre cible, car on ne peut pas rester là-dessus. Le Club 23 passa effectivement à l'action dans la nuit du mercredi au jeudi. N'ayant pris aucune précaution particulière, il fut rapidement repéré par les guetteurs. Dutilleul lui attendait patiemment dans la maison glaciale. L'architecte lui ayant communiqué le plan des lieux, il n'eut aucune difficulté à repérer un réduit où se dissimuler. Tout le monde était excessivement tendu, mais un calme relatif régnait à l'intérieur. Les intrus, pour leur part, pénétrèrent vers 2 heures du matin. Tous semblaient être lourdement chargés. Dutilleul laissa tout ce beau monde se débarrasser de son matériel. Des sacs à dos furent ouverts et de grosses masses furent sorties, ainsi que les canettes de bière et une bouteille de whisky non encore entamée. Soudain, lorsque le déballage fut terminé, quelqu'un donna le signal du commencement des hostilités en lançant à la cantonade « Maintenant, les gars, on casse tout !» Ce à quoi Dutilleul, qui était entre-temps sorti de son réduit, répondit tranquillement « Je ne crois pas !»